parler politique avec vous. Et pourquoi pas? Mais entre nous, c'est un sujet peu poétique. Je veux pourtant savoir pourquoi, lorsque vous êtes devant moi, l'ancien régime seul vous tente. Parlez-vous si jeune et si beau, que vous a fait le régime nouveau, qu'aujourd'hui je vous représente. Pas cela, si le nouveau régime est là, il est charmant car il n'opprime que par l'éclat de ses beaux yeux. En le voyant si gracieux, si doux, si beau, si généreux, comment ne pas être amoureux? Pour nous, voyez, je tombe à vous.